La direction d'édition de timbres d'État a fait paraître trois timbres individuels représentant les trois livres antiques sur la médecine goryeote de Corée, notamment le dictionnaire de la médecine traditionnelle. Les timbres présentent les portraits des auteurs des livres. La médecine goryeote revêt des caractéristiques originales différentes des autres médecines nationales de l'Orient, dont la théorie et les méthodes de traitement. C'est aussi un précieux patrimoine de la médecine développé conformément aux habitudes de la vie et à la structure du corps des Coréens. Il y a aussi quatre timbres individuels représentant le tigre coréen.